Portrait d'assaut sur Fadjet. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau portrait dans le cadre du mois de l'IAE, donc le mois de l'insertion par l'activité économique. Nous recevons aujourd'hui notre troisième entreprise qui fait partie justement de ce mois de l'IAE et aujourd'hui on reçoit l'entreprise Cineo qui nous est aujourd'hui présentée par Jennifer Buvet qui est conseillère en insertion professionnelle. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps vous pourriez vous présenter? Oui, donc moi je suis Madame Buvet Jennifer, je travaille chez Cineo en tant que conseillère en insertion professionnelle depuis bientôt 2 ans et notre structure est spécialisée dans la préparation esthétique de véhicules. Donc oui, comme vous le disiez, Cineo qui est une entreprise de nettoyage, lavage automobile installée à Ludres, mais plus précisément de quand remonte sa création, quelle est l'origine de l'entreprise? Donc Cineo a été créée en 2005. Donc Cineo est une marque, nous sommes donc spécialisés dans la préparation esthétique de véhicules et nous intervenons dans les concessions automobiles, essentiellement. Et donc oui, c'est pour ça qu'on en parle, parce que Cineo c'est aussi une entreprise qui propose des emplois par l'inclusion, vous proposez de l'insertion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce principe? Oui. Alors, donc, nous bénéficions d'un conventionnement avec l'État au titre de l'insertion par l'activité économique. Nous permettons à des personnes éloignées de l'emploi professionnel d'intégrer notre entreprise en leur offrant un statut, accès à des droits et un salaire. Ces personnes bénéficient d'un accompagnement afin de surmonter les difficultés sociales et à trouver un emploi stable et durable en mettant en place des actions. Le CDDI est de maximum 24 mois, est un très bon tremplin vers l'insertion dans la vie active de par l'accompagnement et le suivi socio-professionnel. Et donc vous, votre rôle justement, c'est d'être conseillère en insertion professionnelle pour Cineo. Concrètement, quel est votre rôle dans ce processus? Comment aidez-vous à l'insertion? Donc mon rôle est d'accompagner les collaborateurs à surmonter certains obstacles afin de lever les freins sociaux et de les accompagner à définir un projet professionnel pour leur permettre d'obtenir un emploi stable et durable. Nous pouvons leur proposer des formations qui peuvent être financées. Nous faisons donc le lien entre les centres de formation, les financeurs et les collaborateurs. Je suis amenée à faire le lien également entre les entreprises et nos salariés accompagnés dans l'élaboration du projet professionnel. Car oui, si on parle d'insertion, c'est car dans 2 jours, comme je le disais au début, va se tenir le mois de l'IAE, donc mois de l'insertion par l'activité économique, et il y aura des portes ouvertes du 3 au 28 juin. Ce seront 36 structures qui vont ouvrir leurs portes aux professionnels de l'insertion, structures dont Cineo vous faites partie, et donc uniquement sur réservation par mail auprès de la structure. Durant ces portes ouvertes, qu'est-ce qui va se passer? Qu'allez-vous montrer à ces professionnels? Donc durant ces portes ouvertes, nous allons montrer notre activité. Donc nous allons faire une démonstration. Donc ça se tient le 12 juin pour notre part à partir de 14h. Donc sur réservation par mail, et les personnes professionnelles de l'insertion pourront y découvrir notre activité et ce qu'on propose comme contrat. Et pour revenir à l'insertion, justement à ces personnes que vous accompagnez, comment se passe leur formation à Cineo? Donc les personnes qui arrivent chez nous bénéficient d'une petite journée d'intégration, ensuite d'une formation de 5 jours au métier de préparateur esthétique de véhicules. Voilà concernant la formation en interne. Et au total, vous avez accompagné combien de personnes depuis le début environ? Actuellement, nous avons 30 salariés en insertion. Donc depuis le début de l'ouverture de la structure, j'ai pas le chiffre exact. Personnellement, donc en tant que conseillère en insertion professionnelle, mais également d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que cela représente-t-il pour vous d'aider à ce genre d'initiative? Alors pour moi, c'est extrêmement gratifiant d'accompagner les personnes à surmonter les difficultés et à trouver un emploi à l'issue de leur parcours au sein de notre entreprise. Nous pouvons avoir un rôle crucial dans l'amélioration de la vie des personnes en les guidant vers l'autonomie et la réalisation de leurs objectifs professionnels. Ce métier permet de travailler en collaboration avec différents acteurs tels que les employeurs, les institutions de formation, les services sociaux et d'autres professionnels du secteur. En conclusion, cela permet de combiner l'envie d'aider les autres et le développement personnel et professionnel tout en contribuant positivement à la société. Et est-ce que Cineo est bien implanté dans le territoire? Est-ce que vous êtes assez connu? Alors Cinéo est une marque, elle est présente dans toute la France. Concernant notre groupe, nous gérons Cinéo Metz, Cinéo Ludres, Cinéo Saint-Nabor, Cinéo Strasbourg et Cinéo Mulhouse. Comment peut-on suivre l'actualité de la structure? Sur quelle plateforme êtes-vous disponible? Actuellement, nous sommes sur le réseau LinkedIn. Instagram, c'est en cours. Sinon, il y a le site Cinéo, mais qui est national. Ce n'est pas uniquement pour notre structure. Peut-être un point sur les événements prochains qui vous attendent. Qu'est-ce que Cinéo a prévu, Cinéo Ludres a prévu pour les prochains mois, peut-être des projets de prévus? Concernant le mois de l'IAE, nous avons aussi fait la réalisation d'une œuvre d'art qui va être exposée au conseil départemental pendant un mois. Donc nous la déposons le lundi 4 juin. Donc durant un mois, elle sera visuellement accessible. Et sinon, concernant des projets futurs, rien de particulier. Oui, parce que l'œuvre d'art, c'était dans le cadre d'un thème, déclinaison en vert, c'est ça? Déclinaison en vert. Et justement, Cinéo, j'ai vu que vous proposez des solutions écologiques. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus justement sur ce processus vert? Donc nous procédons au nettoyage des véhicules sans eau. Donc notre œuvre d'art a un lien direct avec le nettoyage sans eau. Donc nous avons représenté avec un nombre de bouteilles l'économie d'eau réalisée sur une voiture réalisée en bouteille. Pour revenir un peu plus sur l'insertion, les personnes que vous accompagnez, qu'est-ce qu'elles en ressortent? Qu'est-ce qu'elles ressentent? Est-ce qu'elles sont aussi gratifiantes justement d'avoir ce genre de possibilité d'insertion? Principalement, les personnes se sentent bien dans notre entreprise. Au niveau de l'accompagnement, on a de bons résultats. Donc, c'est-à-dire que les personnes sortent souvent de leur parcours avec un emploi stable ou une formation qualifiante. Bien, merci à vous. Donc, on le rappelle, Jennifer Buvet, vous êtes conseillère en insertion professionnelle pour Cinéo. Merci à vous et on se retrouve à très bientôt pour un prochain portrait d'association. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.